Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Destin paysan, les entrepreneurs de l'Ancien Régime. La phrase a été sans cesse répétée, apprise par des millions d'élèves dans les salles de classe. Labourage et pastourage sont les deux mamelles de la France. Voilà les vrais trésors et mines du Pérou. C'est Sully, le grand ministre du roi Henri IV, qui, au début du XVIIe siècle, alors que d'autres explorent le monde, rappelle qu'un pays doit sa richesse au travail de ses paysans. Brassiers laboureurs, métayers fermiers, tous ne vivent pas dans le dénuement, loin de là. Qui sont les entrepreneurs de l'Ancien Régime? Ces paysans qui portent le progrès. Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans le cours de l'histoire. Comment avez-vous étudié ces paysans de l'Ancien Régime? C'est un monde gigantesque. Dès lors, pour regardez ceux qui sont entrepreneurs, qui sont à la pointe du progrès. Un petit coup d'œil sur la généalogie est nécessaire. Oui, alors, avant la généalogie, il faut identifier quels sont ces entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont suffisamment de capitaux pour les investir dans l'agriculture et dans toutes les affaires autour du monde rural. On peut les voir d'abord à travers l'impôt, puisque ce sont eux qui étaient les premiers imposables au XVIIe comme au XVIIIe siècle. Et donc, à cet égard, les rôles de taille de l'Ancien Régime, évidemment pour les deux tiers de la France, puisque la taille n'était pas payable partout de la même manière, mais pour tous les pays de taille personnelle, il est évident qu'on les voit, ce sont eux qui, à 5 ou 6 familles, paye la moitié, quelquefois les deux tiers du montant de l'impôt royal à la fin du XVIIIe siècle. C'était pas le même cas au XVIIe siècle et évidemment à la fin du XVIe siècle. Mais en tout cas, ils sont au sommet de la hiérarchie fiscale, ce qui est quand même très important. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est ainsi que j'ai travaillé sur ces personnages, à travers d'abord les fermiers d'Île-de-France, qui m'ont pris une douzaine d'années, même une quinzaine d'années de travail, puisqu'il fallait identifier, localiser, bien entendu, ces personnages, avant d'aller rechercher dans les archives notariales en particulier, et les archives patrimoniales de leurs propriétaires, leur itinéraire socio-économique et culturel. Mais 25 ans plus tard, un hasard de l'histoire, en faisant de la généalogie avec un étudiant de doctorat, dont je tairai le nom pour ne pas le faire rougir ici à l'écoute, j'ai retrouvé que je descendais de ces familles que j'avais étudiées pendant une quinzaine d'années. Et au scanner, en quelque sorte, en me réintroduisant par ce couloir souterrain de la généalogie, j'ai pu retrouver des archives et surtout un point de vue sur certaines de ces figures d'entrepreneurs qui complètent, qui confirment, mais qui nuancent beaucoup ce que j'avais pu dire auparavant. Dites son nom à ce doctorant, ça lui fera plaisir et c'est mérité. Ah, Jacques-Marie Maître-Pierre, mais je crois qu'il va être très, très gêné. Jean-Marc Morisseau, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen. Et dans ces mémoires des paysans, cette mémoire des paysans, la mémoire des paysans, c'est le titre de votre ouvrage chez Talendier. Vous avez pu identifier ces grandes familles. Vous nous avez dit, bah oui, c'est vrai, ceux qui payent l'impôt le plus, évidemment. Nous avons ici une famille de paysans riches. Il y a aussi la question de la propriété foncière, ça va de pair? Alors, il faut bien voir que chez ces entrepreneurs de culture, la propriété foncière n'est pas indifférente, contrairement à ce que l'on a souvent dit. Elle existe, mais elle sert d'investissement, elle sert de réserve monétaire en cas de coup dur, et ce n'est que chez les très riches, ceux qui ont le plus réussi, qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'exploitation pour atteindre les dimensions d'une grande ferme, voire de plusieurs grandes fermes. Ça a été le cas, mais uniquement pour une élite. Pour la majorité, la terre représente en foncier peut-être 10 à 20%, ce qui n'est pas rien, de l'exploitation agricole, mais elle est une réserve, en quelque sorte, en cas de coup dur. L'essentiel, ce sont les droits au beau, ce sont les contrats de ferme que l'on passe auprès des propriétaires différents, propriétaires des campagnes et surtout des villes, à commencer par Paris. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire avec vous, Jean-Marc Morisseau, nous allons croiser des personnages, nous allons évoquer des destins paysans. Commençons sous Louis XIV. C'est Jean-Baptiste Lully, un air pour les paysans en 1660. Jean-Marc Morisseau, qui est Nicolas Delacour ? Alors Nicolas Delacour est quelqu'un qui est mort en 1668, donc effectivement à l'époque de Lully, qui est né à la fin de l'année 1588, à l'époque d'Henri III, qui a passé sa jeunesse et sa formation agricole à l'époque d'Henri IV, et qui a une trajectoire économique et sociale d'entrepreneur agricole à l'époque de Louis XIII et pendant la minorité du règne de Louis XIV. Ce Nicolas Delacour est un personnage tout à fait étonnant, haut en couleur, parce que d'abord il avait une signature qu'il décochait en quelque sorte, comme un peu les trois mousquetaires, extrêmement nerveuse et extrêmement en même temps visuelle, qui m'a permis de le retrouver à la trace, j'allais dire, dans les archives. À peu près 350 actes notariés ou actes judiciaires qui ont été signés ou contresignés par Nicolas Delacour éclaire sa trajectoire pendant à peu près 60 années de sa vie, mois par mois, année par année. Et évidemment, ça permet de dessiner le portrait d'un homme d'affaires qui était à la fois un très grand fermier, mais également un prêteur sur gage qui s'est enrichi à l'aide des hypothèques qu'il mettait sur les jardins, sur les maisons, sur les champs de ses débiteurs, et qui a eu sans doute très mauvaise presse au village, et qui n'a pas d'ailleurs été sans susciter l'animosité de beaucoup. C'était un véritable chef de gang, puisque à la fin de sa vie, il est violenté par un de ses petits-fils à qui il aurait pris un panier de pommes dans un jardin, et en même temps, sur la route de Paris à Beauvais, deux de ses petits-fils arrêtent la circulation pour terrasser le fils d'un de ses concurrents fermiers qui lui avait ravi un marché de terre. Et l'animation est telle qu'il y a beaucoup de témoins à cette altercation, et ce sont les petits-fils de Nicolas Delacour. Donc c'est un personnage qui était bien connu dans le plat pays autour de Maffliers, car Maffliers, c'est-à-dire un petit village près de Beaumont-sur-Oise, en plaine de France, au nord-ouest de Paris, est en quelque sorte le cœur de son exploitation, autour duquel il a rayonné sur une quinzaine de paroisses voisines. Qu'est-ce qui fait dire qu'il est riche ? Vous avez utilisé, Jean-Marc Morisseau, l'expression « homme d'affaires ». C'est très intéressant de réfléchir à cela quand il est question de paysans. Vous utilisez aussi le mot « entrepreneur ». Qu'est-ce qui montre qu'il est riche ? Alors, il y a cette question de terre, il y a le matériel. Alors, sa richesse, elle vient d'abord de la manière dont il établit ses enfants. Avec Anne Ferry, qui était sa femme, membre d'une famille de grands fermiers, dont on peut suivre l'histoire depuis l'époque de Charles VII, avec une très belle signature exceptionnelle d'une charrette, notamment, pour un bail de seigneurie accordé à un Ferry à la fin du XVe siècle. Donc avec sa femme Anne Ferry, ils ont eu sans doute une douzaine d'enfants, dont sept ont survécu et qu'il a fallu doter. Or, ces dotes s'échelonnent de 2200 à 5000 livres, ce qui est considérable, et pour la plupart d'entre elles, elles représentent un capital d'exploitation, en général deux charrues, c'est-à-dire quatre chevaux, deux charrues évidemment derrière, avec deux charrettes et tout le matériel d'exploitation, et les vaches et les bêtes à laine, comme on disait, qui vont avec, et les droits d'exploitation sur des fermes qui vont de 50 à 80 hectares à l'installation. C'est-à-dire des fermes de très grande dimension par rapport à la moyenne des fermes qui étaient de l'ordre de 25 à 30 hectares à cette époque-là. Il a pu le faire donc sept fois. Et donc là, nonobstant les tribulations de l'évolution économique, pouvoir ainsi mobiliser 15 000 à 18 000 livres pour établir sept enfants, c'est déjà la clé d'un succès. La deuxième raison me permet de dire que c'était un entrepreneur et quelqu'un qui faisait partie de l'élite déjà fermière, c'est que en 1659, quand il a près de 70 ans, auprès d'une autre terre de Pontoise, il fait une donation à deux de ses enfants, parce que il aimait pas également tous ses enfants, et donc deux de ses enfants, l'un qui s'appelait Pierre de la Cour, établi à Livilliers comme receveur de seigneurie dans le Vexin, de l'autre côté de l'Oise, et l'autre, c'est un gendre, Martin Midi, qui était receveur du Pied-Fourché à Paris, donc un financier en quelque sorte, lié également au commerce agricole, eh bien il leur donne tout ce qu'il possède, c'est-à-dire quand même une cinquantaine d'arpents, traduisez 18 à 20 hectares en 35 parcelles, avec des jardins, des rentes, etc., moyennant 400 livres de rente viagère par an. Or, 400 livres par an, c'est beaucoup plus que ce que gagne la majorité des curés de campagne à cette époque. Et donc, cela situe le personnage. Donc, il peut vivre à la fin de sa vie avec 400 livres par an, sans compter ce qu'il se réserve, et il a pu doter de 15 à 18 000 livres sa progéniture. Il a réussi. Et pour le resituer dans sa société, dans ce monde paysan du XVIIe siècle, Jean-Marc Morisseau, pour savoir en fait combien il est riche, il faut aussi évoquer les autres. L'immensité de ces paysans sous Louis XIV, eh bien, ne sont pas aussi riches comme une évidence. Qui sont-ils? Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des ouvriers agricoles, et puis il y a toute une gamme en fait de possibles. Alors, il faut bien voir que ce dont nous parlons, c'est surtout l'époque de Louis XIII, qui est souvent très mal connu, hein, et uniquement la minorité du règne de Louis XIV. Nicolas de la Cour a vraiment agi dans la société et l'économie entre 1615 et 1660. Hein. Donc je tiens à le préciser parce que il est rare que on consacre des études approfondies d'histoire sociale, économique et culturelle aux campagnes de la première modernité. Alors pour les paysans, répondre autres. À votre question, Xavier, dans ce premier XVIIe siècle, l'éventail social des paysans est très large. Il y a un groupe assez important de laboureurs qui possèdent une charrue, c'est-à-dire deux chevaux, et qui cultivent 20, 25, 30 hectares. Hein, disons, dans chaque village, ils sont 10 à 15. C'est pas mal, laboureur quand même, c'est déjà bien. Bien sûr, mais 10 à 15 laboureurs, alors que dans les mêmes villages, 100 ans plus tard, ils ne seront plus que 2 ou 3. Il y a encore très peu de très grands fermiers, il y en a quelques-uns, Nicolas de la Cour en fait partie, qui exploitent non pas une charrue, mais 2, 3 ou 4 charrues. C'est-à-dire qui exploitent non pas 30 hectares, mais 70, 100 ou 120 hectares. Et en dehors de tout cela, évidemment, il y a une petite frange de 2000 laboureurs, en quelque sorte, qui portent des noms variés, qui exploitent une dizaine d'hectares. Ils doivent s'associer avec un voisin pour avoir une charrue complète. Ils peuvent être également une quinzaine ou une vingtaine. Et en dessous, il y a les laboureurs à bras, qui ne possèdent pas d'attelage et qui sont en dessous du seuil de la grande culture. Et là, selon la taille des villages, évidemment, cela représente facilement le tiers, un gros tiers de la société qui cultive entre 1 hectare et 8 ou 9 hectares, quelquefois avec l'aide d'ailleurs des premiers laboureurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en dessous d'eux, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un prolétariat, même si, contrairement à aujourd'hui, certains possèdent un jardin ou une maison, mais d'ouvriers agricoles, qui sont soit des charretiers, des valets de labour, et donc des domestiques engagés par les laboureurs d'ailleurs, soit des manouvriers, des manœuvres, des brassiers, qui n'ont que leurs bras pour travailler et qui s'engagent au jour la journée comme journaliers. Alors eux, ils sont effectivement très importants. On peut considérer que c'est plus du tiers. Hein, donc je dirais, il y a en quelque sorte trois tiers. Un premier tiers de laboureurs, petit tiers. Ensuite, il y a un deuxième tiers consistant de petits exploitants à bras, en quelque sorte, et un gros tiers composé à la fois de journaliers et de domestiques agricoles. Et à qui appartient la terre? Alors la terre, si on se situe en Île-de-France et plus largement dans le bassin parisien, elle appartient aux gens d'église, aux couvents, pour une proportion que on pourrait qualifier de 10 à 12%. Ensuite, elle appartient à l'aristocratie. qui réside en général dans les villes, petite et surtout grande, à commencer par Paris, et qui est une aristocratie de cour, mais de plus en plus une aristocratie parlementaire, une noblesse de robe. Et cette aristocratie, elle possède à peu près 20 à 25% de ses terres. Il reste ensuite une bourgeoisie, citadine, mais bourgeoisie rurale également, qui possède à peu près 15 à 20% des terres. Vous faites les comptes, il n'en reste dans ces comptabilités que 20 à 25% des terres qui sont possédées par des paysans, ou des artisans d'ailleurs, ou des gens des campagnes, comme on disait, mais la majorité de ce qui reste est possédée justement par ces laboureurs, sous forme de marché de terre, c'est-à-dire d'ensemble de parcelles dispersées, une vingtaine, une trentaine, selon les cas, qui atteignent, famille par famille, de l'ordre de 5, 10 à 15, 20 ou 30 hectares. Et dans cette question du monde paysan au XVIIe siècle, avec cette différence, Jean-Marc Mourisseau, vous le soulignez, entre ce premier XVIIe siècle, celui de Louis XIII et celui de Louis XIV, la question des impôts. Villages, tocsin, il faut sonner, romper tous les passages qu'il voulait ordonner. Faut sonner le tocsin d'un pour prendre Mazarin. Vertuble Saint-Pierre, je n'y veux pas manquer, car j'ai vendu mes terres pour les tailles payées. Pour sonner le tocsin d'Inde, pour prendre Mazarin. Moi pour payer j'ai vendu mes je couche sur la paille, je n'ai pas le teston. Pour sonner le tocsin d'Inde, pour prendre Mazarin. Les quatre barbus qui chantent la chasse donnée à Mazarin par les paysans. Mazarin, principal ministre de Louis XIV. Mazarin mort en 1661. Une mazarinade. La question des impôts est importante. Ces entrepreneurs que vous avez étudiés, Jean-Marc Mourisseau, arrivent-ils à concilier avec l'impôt? Mettent-ils en place des systèmes qui leur permettent d'échapper à l'impôt? Nous avons ces plaintes paysannes sur les impôts légitimes. Comment s'inscrivent-ils dans un système fiscal? Alors, bien entendu, ils sont des experts dans la dissimulation fiscale et l'art, en quelque sorte, de trouver des avantages fiscaux, quelquefois tout à fait légaux. Alors Nicolas de la Cour, lui qui est un homme d'affaires à l'époque des cardinaux ministres de Richelieu, de Mazarin également, a eu souvent maille à partir avec la communauté villageoise pour régler ses impôts. Et il a été souvent collecteur et il a gardé les archives. Son attitude était d'être très bien connaisseur de toutes les procédures judiciaires et, j'allais dire, de confisquer les archives des seigneurs. Il était receveur de seigneurie, receveur de champart, etc. Il avait été également agent de la communauté. Il gardait tout chez lui pour avoir en quelque sorte un fichier sur tous les gens de son village. Et quand il est mort d'ailleurs, après sa mort, on a fait l'inventaire après décès et on a retrouvé 154 cotes pour 450 liasses de documents qu'il avait accumulés, souvent à l'insu des propriétaires, à l'insu de la communauté, à l'insu du seigneur, documents qui remontaient au XVIe, XVIIe siècle, évidemment, et qui lui permettaient une très bonne connaissance pour maîtriser, en quelque sorte, les flux et optimiser, évidemment, ses dépenses, et notamment ses dépenses monétaires. Mais il faut attendre les générations suivantes pour que le roi, qui a besoin d'argent, dans le cadre de la guerre, de la politique de guerre, crée des offices royaux, à commencer par les offices de secrétaire du roi Maison Couronne de France, qui ont la vertu exceptionnelle, en quelque sorte, de dispenser à perpétuité de l'impôt royal direct ceux qui le payaient au premier chef. Et là, c'est l'occasion de parler d'une seconde génération d'entrepreneurs. C'est le cas des Navarres en particulier, autre famille de l'Île-de-France. Eh bien, nous tournons la page et nous arrivons au XVIIIe siècle. C'est l'ouverture des Indes galantes dans Jean-Philippe Rameau en 1735. Alors, Jean-Marc Morisseau, autre personnage, Jean Navarre. Alors, avec Jean Navarre, nous sommes fin XVIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle. Qui est-il? Alors, Jean Navarre est sans doute, à ma connaissance, mais je mets cette information sur le tapis au service de tous les auditeurs, à ma connaissance, c'est l'entrepreneur agricole le plus puissant que la France d'Ancien Régime ait pu connaître. Il vivait à 40 kilomètres à l'est de Nicolas de la Cour. Il est né en 1634, mort en 1692. Ils se sont connus. Et d'ailleurs, ils se sont alliés familialement. Et ce Jean Navarre était implanté dans la plaine de France, près de Meaux. Donc, à Villeroy exactement, près de Meaux, donc en Seine-et-Marne. Et ce Jean Navarre a été à la tête en 1676, après la mort de sa femme, de sa première femme, d'une exploitation considérable qui occupait 54 chevaux et 13 attelages, qui faisait 430 hectares. Cette exploitation s'est encore accrue. Et en 1692, l'inventaire après décès qui le concerne nous montre qu'il occupait 754 hectares avec 5 fermes. Il avait donc ses 19 attelages de chevaux. Il avait 1413 bêtes à laine, 126 bovins, 219 porcs, 791 pièces de volaille, comme on disait. Mais le plus important, c'était que par rapport au laboureur à une charrue ou à deux charrues, lui, il en avait 19. C'est énorme. Et c'était considérable. Il avait cumulé les fermes entre 1660 et 1690. Il était aussi fermier d'ecclésiastique. Et notamment, il était fermier de l'abbaye de Saint-Faron, qui est une grande abbaye de Meaux, et aussi du grand prieur de France pour la commanderie de Choisy-le-Temple, à Charny en France, à côté de Villeroy. Et à travers ces baux qu'il passait auprès des couvents et des abbayes, il avait une sorte de garantie de stabilité que n'avait pas eu Nicolas de la Cour, qui lui passait auprès de laïcs parlementaires, qui d'ailleurs se fragmentaient de succession en succession les seigneuries, et c'était beaucoup plus compliqué. Et je m'aperçois maintenant que la chance peut varier selon les cas en fonction de la structure foncière des exploitations. Il est plus facile, évidemment, d'exploiter des fermes ecclésiastiques, surtout si elles sont bien rassemblées foncièrement, voire d'un seul tenant, comme Choisy-aux-Bœufs, une ferme de 239 hectares d'un seul tenant, à Weimar, au nord de Paris, qui exploitait le beau-père de Jean Navarre, exploiter, évidemment, 50 à 80 hectares en 75 parcelles disséminées et partagées entre deux ou trois frères ou sœurs d'une même succession. Donc lui, Jean Navarre, il avait profité de cela. Et puis il avait le sens des affaires, puisqu'il avait orienté son exploitation vers une production de grains à l'époque où le cours du blé remontait après des années qui avaient été particulièrement basses. Et donc, il a assuré beaucoup de livraisons sur Paris dans les années 1692. On est juste avant, en quelque sorte, une grave crise qui va être la crise de 1693-1694. En tout cas, avec ses 754 hectares de terre, ses 5 fermes, il a en quelque sorte un véritable holding agricole. Le propulse au sommet des exploitations. Et d'ailleurs, la chance a voulu que lui n'a pas eu 7 enfants à établir, mais 3. Parce que sa femme, bon, malheureusement, est décédée très vite. Et bien sûr, il s'est remarié, mais il n'a pas eu d'enfants du deuxième lit. Et ses 3 enfants, il a pu les doter largement. Lui-même, c'était pas 2500 à 3000 livres qu'il avait eu pour être doté, c'était 7000 livres déjà, parce qu'il faisait partie d'une dynastie bien implantée depuis le XVIe siècle, qui avait déjà fait fortune à l'époque d'Henri IV et de Louis XIII. Et lui, il va donner des dots considérables, de l'ordre de 15 à 20 000 livres à chacun de ses enfants. Et parmi ses 3 enfants, l'un va acheter une charge de conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, qui, par un coup de baguette magique, en ayant payé quand même 30 000 livres, l'anoblit, lui et toute sa descendance et le dispense de la taille de l'impôt royal au sommet duquel il était, hein, dans les tableaux fiscaux jusque-là. Évidemment, c'est passant sans acrimonie de la part des communautés villageoises qui doivent se répartir le reste de l'impôt. Destin paysan dans le cours de l'histoire, mais que ce soit pour Nicolas de la Cour au début du XVIIe siècle, pour que ce soit le cas de Jean Navarre à la fin du XVIIe siècle, pour faire tout ce qu'ils ont fait, Jean-Marc Morisseau, il y a une maîtrise absolue de la lecture, de l'écriture, parce que il faut rédiger un bail, il faut compter, et puis il faut s'informer. Ils maîtrisent tout cela. Bien entendu. Ils maîtrisent l'écriture depuis le XVe siècle au moins. J'ai parlé tout à l'heure d'un ancêtre de la femme de Nicolas de la Cour, qui s'appelait Guillaume Ferry, et qui signait ses contrats de ferme en 1450-1460, en dessinant notamment ses initiales, et à côté de ses initiales, une charrette, ce qui est quand même assez exceptionnel. Quand on peut regarder les actes notariés avec les signatures de ces fermiers, c'est-à-dire à partir de 1566, l'ordonnance de Moulins, qui prescrit au notaire de demander aux contractants s'ils savent ou non signer. On est stupéfait par l'aisance de ces signatures avec paraphe qui arbore en quelque sorte une notoriété bien au-dessus du commun des mortels dans les campagnes. Alors ces laboureurs, ces entrepreneurs, effectivement, allaient un peu à l'école auprès d'un oncle ecclésiastique avant d'aller dans les collèges, sur Paris notamment, où ils passaient 3 ou 4 années avant de revenir en maîtrisant assez bien l'écriture, évidemment la lecture et puis la comptabilité. Ce sont de rudes comptables et ils laissent dans leurs archives une quantité de titres, quelquefois même de papiers personnels. Et enfin, ça sera le cas d'un troisième personnage de la génération suivante, des livres de comptes, des comptabilités. Les plus anciennes remontent d'ailleurs à l'époque de Jean Navarre, c'est-à-dire 1660-70, mais les plus fréquentes, les plus répandues, sont celles de l'époque de Louis XV, c'est-à-dire entre 1720 et 1770. Et n'oublions pas qu'à côté de tous ces paysans entrepreneurs, il y en a d'autres qui triment. Pauvre Martin. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le champ des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Pauvre Martin par Georges Brassens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission labourée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la charrue Jacques Hubert, destin paysan, Jean-Marc Morisseau, des entrepreneurs. Très bien, nous racontons des histoires de succès, formidables, mais tout succès, surtout lié à l'entreprise, connaît des petites faillite, des moments où ça va moins, surtout dans ce monde de l'agriculture qui dépend beaucoup du temps qu'il peut faire, de la fragilité du commerce. Bien entendu, il faudrait pas en rester aux 40 000 livres en double louis d'or et écus d'argent dont disposaient Jean Navarre à la fin de sa vie, ni aux pistoles d'Espagne et aux louis d'argent que Nicolas Delacour pouvait recevoir. Car même Nicolas Delacour a dû vendre des terres à plusieurs reprises et emprunter à son seigneur notamment, qui n'était autre que le prévôt des marchands de Paris et qui était conseiller au Parlement de Paris également, plusieurs sommes d'argent pour doter ses enfants et régler ses fermages. Mais il faut bien voir qu'à côté d'eux, il y a eu des frères et surtout des cousins qui n'ont pas eu la même chance qu'eux et qui ont connu, surtout entre 1660 et 1720, des années difficiles pendant lesquelles le cours du grain s'était effondré, alors que les fermages montaient et que les exigences du fisc étaient au plus haut. Dans ces ciseaux terribles pour eux, il fallait être inventif, il fallait peser sur les fermages, avoir un peu de chance. Beaucoup en ont eu, mais pas tous. Et il y a à cette époque une cascade retentissante de faillites agricoles entre 1660 et 1690 notamment, et encore au début du XVIIIe siècle, qui montre que rien n'est jamais acquis. Hein. Et au sein même de ces familles, on voit dans les mêmes villages coexister des fermiers qui mettent la clé sous la porte et dont on vend les charrues, le bétail, etc. L'un des fils de Nicolas de la Cour, Antoine, doit ainsi livrer ses chevaux, ses attelages au sieur de Montbrun, qui est l'un de ses propriétaires, parce qu'il a des arriérés de fermage trop importants. Alors après, il se rétablira. Hein. Donc il faut bien voir, certains ont des coups durs très sensibles, avec des saisies de récolte et surtout de capital, et se rétablissent. Mais d'autres non, et sombrent dans le prolétariat. Il est plus question d'investir dans l'éducation, les enfants ne savent plus beaucoup signer, les dots sont ridicules, et on passe du statut d'entrepreneur de culture au statut de simple charretier, de simple domestique agricole, au service des patrons, en quelque sorte, qu'ils avaient été auparavant, ou bien de simples journaliers ou manouvriers. La mémoire des paysans, chronique de la France des campagnes, 1653-1788, c'est votre ouvrage, Jean-Marc Morisseau, publié chez Talendier. Il faut le rappeler aussi, la France est diversité, pour faire un clin d'œil à l'historien Brodel. Ce n'est pas la même situation partout. Nous parlons ici de destin d'entrepreneurs en Île-de-France. Il y a une grande diversité de possibles en France. Alors, je dirais plus qu'il s'agit d'une situation valable pour la France du Nord, d'un très grand bassin parisien qui irait jusqu'aux provinces belgiques, en quelque sorte, et jusqu'à la Lorraine et jusqu'à la Normandie. C'est-à-dire, on parle pour à peu près un quart du royaume de France. Ce qui est manifeste, c'est que le degré de réussite de ce quart du royaume, le quart de réserve en quelque sorte de la forêt sociale du monde agricole qui pourrait être cher à Colbert, c'est la présence de ces fermiers, de ces entrepreneurs aux états généraux. Ce qui est tout à fait stupéfiant. 1789, pour toutes ces régions-là, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de départements, il y a 38 députés qui vont siéger à l'Assemblée constituante. Ce n'est pas rien. Et qui viennent, dont un Delacour, d'ailleurs, qui a été élu à Ablège par les électeurs du bailliage de Senlis. Mais il y a bien d'autres familles de fermiers qui en font partie. Et les départements actuels de l'Oise, de la Seine-et-Marne, de la Seine-et-Oise, de l'Eure-et-Loire, de la Somme, de l'Aisne, etc., etc., également de la Seine-Maritime et de l'Eure, font venir des riches fermiers comme députés à la Constituante. Et il y aura une trentaine encore d'entre eux à l'Assemblée législative en 1791-92. Donc c'est quand même important. Parce que ces paysans ne sont pas évidemment indifférents au monde qui les entoure. Avec cette troisième génération, j'ai envie de dire, après Nicolas Delacour au début du XVIIe siècle, après Jean Navarre, plutôt à la fin du XVIIe siècle, il y en a toujours au XVIIIe, mais avec d'autres formes d'entrepreneuriat. François Chartier, qui est-il ? Alors François Chartier, c'est en quelque sorte un petit cousin de Nicolas de la Cour et de Jean Navarre. Il vit dans un petit village près de Gonesse qui s'appelle le Plessis-Gasso, où il exploite 120 hectares avec trois charrues, avec trois chevaux par charrue cette fois, et il cumule cela avec une autre exploitation à Aunay-les-Bondies, l'exploitation de Savigny, qui fait également à peu près la même équivalence. Et ce François Chartier, qui est né en 1696, qui est mort en 1760, est aux antipodes de Nicolas de la Cour. C'est le bon entrepreneur, le bon maître, le bon laboureur. Il a su se faire aimer, tout au moins d'après la mémoire dont on l'entoure, de sa famille, de ses domestiques, de son village, à telle enseigne que l'épitaphe qui a été inscrite dans l'église du Plessis-Gasso célèbre tous les vertus d'un bon laboureur qui rappelle un peu le père de Rétif de la Bretonne. Ben, écoutons cette épitaphe. Sigy, réuni aux cendres de ses pères, François Chartier, receveur des dames de Maubuisson et procureur fiscal de cette paroisse. Maître bon, il commanda sans hauteur, reprenait sans dureté. Il était vif sans humeur, plein de douceur pour ses domestiques. Il était le père et l'exemple. Il fut toujours sage dans ses entreprises, un homme droit, exact à sa parole. Il fut humble dans la prospérité, soumis dans les événements fâcheux, patient dans les souffrances, charitable envers les pauvres, actif, vigilant. Marion Malenfant, dans le cours de l'histoire, qui lisait cette épitaphe de François Chartier. Jean-Marc Morisseau, vous avez mis en relation cette épitaphe. Mais les épitaphes, c'est toujours bien, parce qu'on dit rarement du mal des gens. Ah, si, quand même. Mais il faut quand même se donner beaucoup de mal pour détailler autant une épitaphe avec autant de raisons pour faire un portrait élogieux d'un défunt. Je pense que, en ce qui concerne François Chartier, de toute façon, la plupart des témoignages, à commencer par son livre de raisons, son livre de contes, montrent que il était estimé, hein, de la part de la communauté rurale et de la part de ses domestiques et de ses enfants. En tout cas, l'image qu'en est restée dans la famille est restée particulièrement favorable. Et quand on regarde son inventaire après décès, on voit que c'était quelqu'un de très cultivé, qui était très ouvert aux idées nouvelles. Il a notamment les 5 premiers volumes du traité de la culture des terres de Nicolas Duhamel du Monceau. C'est-à-dire qu'on parle des agronomes et Voltaire fustige finalement le fait qu'il n'y avait pas d'agriculteurs qui lisaient les agronomes. Voltaire a tort. François Chartier nous montre le contraire, c'est-à-dire qu'on lisait les agronomes et lui, il lisait d'autant plus qu'il était sensible notamment à la culture des prairies artificielles, au développement du sainfoin, du trèfle et de la luzerne, pour des raisons commerciales aussi d'ailleurs, parce qu'il fournissait les écuries parisiennes dont il repartait avec du fumier tout préparé pour pouvoir engraisser ses terres à blé, bien entendu, mais également pour des raisons agronomiques. Et on voit ici un fermier qui est ouvert au progrès, au mode nouvelle, l'argenterie évidemment est très développée, il sait recevoir, il porte perruques, il a des habits qui viennent des Indes, hein, comme sa femme, avec les nouvelles modes vestimentaires. Il y a un salon à côté de la salle à manger qui permet de recevoir, d'autant plus qu'il a une famille nombreuse. Lui aussi, il a 8 enfants, comme les 7 de Nicolas de la Cour. 8 enfants survivants sur 15. Hein, les autres étaient morts en nourrice, puisque, évidemment, la femme a un rôle très important à côté de l'entrepreneur agricole. Dans l'ombre de l'homme, il faut bien voir que la femme, c'est le cas d'Anne Ferry, côté de Nicolas de la Cour, c'était le cas de Catherine Terouen quand elle a vécu du côté de Jean Navarre, c'est le cas de Catherine Benoît à côté de François Chartier. Elle joue un rôle important à la ferme, hein, pour contrôler notamment certains domestiques, pour assurer certaines livraisons, hein, de beurre, de fromage, de volaille, etc. Et remplacer le mari quand il est aux affaires et quand il est à Paris. Parce que souvent, tous ces fermiers-là, qui ont des chevaux, évidemment, négocient leurs affaires à Paris, dans la capitale. Et donc, la femme a un rôle important, et donc, les enfants sont confiés à des nourrices du voisinage. On va un peu les surveiller, les retrouver, mais arrive ce qui arrive. La mortalité en nourrice est importante, et dans ces familles qui sont très fécondes, eh bien, quand la mort n'a pas pris la mère en couche, elle peut donner naissance à 15 enfants, comme Catherine Chartier, 7 simplement, reste, mais il faudra les établir. Hein. Et établir 7 enfants, ça montre un renouvellement très important et une extension démographique qui est le propre de ces entrepreneurs. Et parfois, ces enfants parlent de leurs parents. Vous avez mis en relation François Chartier au XVIIIe siècle avec ce que dit Nicolas Rétif de la Bretonne, l'écrivain de son propre père, l'écrivain qui parle de la vie de mon père, qui parle de Monsieur Nicolas. Nous l'écoutons. Dans les villages, on nomme simplement par le nom de baptême tous les habitants égaux entre eux. Mais tout étranger qui vient de la ville est monsieur, de droit. De même, si quelqu'un prospère, qu'il ait une maison plus vaste et couverte de tuiles, une porte cochère, qu'il donne à manger au curé, on le qualifie volontairement de monsieur, ainsi que ses garçons. Mon père était appelé monsieur le lieutenant, c'est-à-dire monsieur le juge. Ma mère, madame la lieutenante. J'étais, moi, monsieur Nicolas. Tout ceci n'est pas fort important, mais je le dis parce que tel Parisien, qui n'ignore pas les usages des Iroquois, des Hurons, des Anabakis, ne sait pas un mot de nos usages français dans les villages et les campagnes. Phrase d'actualité, ça encore. C'est Jean-Pierre Sentier qui lisait cet extrait de Monsieur Nicolas de Rétif de la Bretonne qui parle de son père. Les alliances, les successions, c'est un élément essentiel dans cette histoire, Jean-Marc Morisseau. C'est très important dans une vision dynastique pour ces paysans. Bien entendu. Donc c'est monsieur, je dirais c'est maître. C'était maître Nicolas de la Cour, maître Jean Navarre, maître François Chartier. Donc ces notables avaient tissé un réseau de relations familiales qui couvrait un espace très important, régional, toute une région, la plaine de France, et même interrégional sur les provinces voisines, avec un pied dans les villes, à Pontoise, à Senlis, à Meaux et surtout à Paris. Ce réseau leur permettait de placer des enfants dans des voies d'ascension sociale complémentaires à celles de la terre. J'entends la haute administration, la marchandise et le négoce et la cléricature ou la carrière ecclésiastique. Il y a de bons curés, de bons chanoines, de riches marchands parisiens, des officiers royaux qui en font partie. Alors le plus étonnant, dans les extrêmes, c'est encore les Navarres. Puisque Jean Navarre avait été aidé à la fin de sa vie par son fils Louis, qui a acheté une charge de secrétaire du roi en 1729, et le petit-fils Navarre a gardé la ferme tout en étant conseiller du roi au Grand Conseil, hein, en ayant un hôtel à Paris, en jouant un rôle très important dans la magistrature parisienne au service du roi, sans pour autant renier la terre. Il n'y a pas, en quelque sorte, de négation des origines. Il y a une sorte de culture du monde rural et de la terre qui se perpétue quelles que soient les ascensions sociales connues par ces familles, et même quelles que soient quelquefois les régressions sociales, puisqu'on arrive quelquefois à remonter la pente. Oui, c'est important cela aussi. Et puis, il y a le contexte politique qui intervient dans cette histoire. La propriété étant un droit inviolable et sacré, France Culture, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constaté. Le cours de l'histoire l'exige, évidemment. Xavier Mauduit. Jean-Marc Morisseau, un extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Est-ce que la Révolution française est une interruption dans ses destins ou est-ce que cela conforte, et nous l'imaginons ainsi, ces grandes dynasties paysannes, l'entrepreneuriat paysan? Si l'on accepte la période de la Terreur, qui effectivement, avec le maximum des grains, a été une période très difficile. La loi qui fixe le prix maximum pour les grains. Oui, des entrepreneurs, il y a même un qui a été accusé d'accaparement, un Thibault, un fermier, qui a été guillotiné. Hein. Donc si on accepte cette période 1793 en deux, en trois, la Révolution a été en quelque sorte un saut en avant complémentaire dans ses ascensions, car elle a permis la vente des biens nationaux d'abord. Et cette vente des biens nationaux a permis à des gens comme le petit-fils de François Chartier d'acheter la ferme des Ursulines et la ferme des Maubuisson qu'ils exploitaient depuis l'époque de Charles VI ou de Charles VII. Hein. Donc ça a été une sécurité d'exploitation. Donc beaucoup ont acheté d'un seul bloc, en quelque sorte, aux enchères, en 1790-91, les biens de première origine. Certains ont acheté des biens de seconde origine, mais c'est un peu plus compliqué. Et il y a eu des ventes jusqu'à l'Empire. Donc on a une progression de la propriété foncière, si bien qu'on va parler de propriétaires cultivateurs à partir du début du 19e siècle. Pas n'importe lesquels, des propriétaires cultivateurs qui possèdent 150, 200, 300, 400 hectares, ce qui crée des rentes pour leurs veuves, hein, comme une veuve Chartier en particulier, qui avait acheté pour 25 000 francs de bijoux et qui s'était fait portraiturer par Émalard, donc en 1828, comme une notable mondaine de la Restauration. Donc on a là effectivement une implication foncière importante, mais également un développement avec la sécurité de l'exploitation, du progrès agricole, de l'investissement dans les techniques, dans également les engrais, dans le matériel, qui va culminer au Second Empire avec un autre de ses grands fermiers, qui est Amand de Cauville, qui a réuni chez lui à Évry, dans l'Essonne aujourd'hui, l'aristocratie agricole, au sens propre du terme, pour créer la Société des agriculteurs de France. Il faut bien voir que cette Société des agriculteurs de France, elle a été suscitée par ces grands fermiers. Et De Cauville avait d'ailleurs à Évry un empire agro-industriel avec des machines, des distilleries, des fabriques de matériel agricole. Et puis, il a été l'auteur de ce chemin de fer à voie étroite qui a fait sa fortune dans le monde entier jusqu'en Amérique du Sud. Voilà jusqu'où on en arrivait au Second Empire à travers les héritiers de ces gens de l'Ancien Régime. Passionnant destin, Jean-Marc Morisseau. La mémoire des paysans, chronique de la France des campagnes chez Talendier. Cette passion, ce sens de la narration et cet intérêt pour les archives notariales notamment, qui sont passionnantes, mais enfin qui ne sont pas les plus accessibles parfois, fait qu'il y a bien ce plaisir de lecture à retrouver aussi dans La Bête du Gévaudan hein, chez Talendier, ou encore dans les couleurs de nos campagnes. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces destins, de nous avoir fait réfléchir sur ces paysans entrepreneurs. Merci Jean-Marc Morisseau. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. La société française est-elle de plus en plus violente? Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d'autres barbares, aussi en dehors de la civilisation que les peuplades sauvages si bien dépeintes par Fenimore Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous. C'est ainsi qu'en 1843, l'écrivain Eugène Sue présenta son célèbre roman intitulé « Les mystères de Paris », publié d'abord en feuilleton dans le journal des débats, l'un des principaux quotidiens de l'époque. Le thème de l'insécurité était déjà un bon filon pour les médias du XIXe siècle et le filon est devenu aujourd'hui une véritable mine d'or. Il ne se passe pas de jour, en effet, sans que les chaînes télévisées ne consacrent un reportage sur le sujet. Du coup, comme ils ne veulent pas être accusés de laxisme, nos gouvernants, surtout quand ils sont ministres de l'Intérieur, en rajoutent souvent une couche. Après « Les Sauvageons » de Jean-Pierre Chevènement, « La racaille » de Nicolas Sarkozy, c'est Gérald Darmanin qui a alimenté ce florilège. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, la sauvagerie, a-t-il confié au journaliste de BFM TV qu'il avait interrogé le 7 septembre 2020. Abreuvé de toutes ces images et de tous ces discours sécuritaires, les Français s'angoissent et s'interrogent. Vivons-nous dans une société de plus en plus violente ? L'historien que je suis, n'étant pas candidat au poste de ministre de l'Intérieur, peut répondre tranquillement à cette question par la négative, en poussant la provocation jusqu'à affirmer que les Français n'ont jamais vécu dans une société aussi pacifique. Lorsqu'on l'examine sur la longue durée, force est de constater en effet que la violence physique a considérablement reculé au cours du temps. La guerre, la forme la plus extrême de violence, a cruellement touché quasiment toutes les familles françaises au XXe siècle. Avant la nôtre, toutes les générations, depuis des siècles et des siècles, avaient vécu dans des sociétés en guerre. Ceux de nos compatriotes qui sont nés après le 18 mars 1962, date des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, font partie de la première génération des plus de 60 ans ayant grandi depuis sa naissance dans une société en paix. Si l'on examine à présent l'évolution des crimes de sang, on aboutit au même constat. Il y a 20 ans, on comptait encore 1600 meurtres par an. Aujourd'hui, on en dénombre deux fois moins. Le taux d'homicide a baissé de 3 à 1,3 pour 100 000. Confrontés à ces réalités, ceux qui tiennent à alimenter les discours sécuritaires se focalisent de plus en plus aujourd'hui sur ce qu'on appelle les violences interpersonnelles. Sans nier le fait qu'en période de crise économique et sociale, la délinquance puisse progresser, d'autres facteurs permettent d'expliquer la progression de ces chiffres. Le premier tient au fait que la définition de ces violences ne cesse de s'élargir. Aux homicides, aux coups et blessures se sont ajoutés progressivement les vols violents, les violences sexuelles, les menaces, etc. Dans le même temps, l'action de la police et de la justice s'est considérablement renforcée pour réprimer ces délits, ce qui explique les progrès accomplis dans l'enregistrement et la comptabilisation de ces actes répréhensibles. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudèche, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.